Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une lecture quand même ou... Il n'y a pas une lecture ? Oui. En fait, va y avoir une dédicace. Et je crois qu'après, on va faire une petite surprise. D'accord. Ah, c'est ça. Mais du coup, là, on attend de pouvoir faire la dédicace ou il y avait encore une petite chose Je pense qu'il y a que la vous vouliez dédicace. Nous communiquer. La dédicace. Les amis, c'est par rapport... Nous, c'est bon. Nous, on est bon au niveau capsule. Nous, sur cette capsule, on est bon. Et là, c'est une dédicace qu'on aimerait faire. Trop bien. Donc, on attend, en fait, parce que c'est une particulière dédicace, vu que c'est une dédicace en live. Mais je me demandais, est-ce qu'on ferait d'abord la dédicace aux mamans ? Bah oui, c'est justement de ça dont je voulais vous parler. Ah oui, pardon. D'accord. Non, on est ensemble, on fait ça ensemble. On est ensemble, ouais. C'est vrai. Parce que tout à coup, j'ai pensé avec... il y a plusieurs histoires... de maman qui circule depuis le début de la semaine, sans rentrer dans les détails, en tout cas des choses qui nous touchent, parce que tout le monde est un petit peu concerné par ces histoires de maman, on va dire. Donc petite dédicace toute spéciale à toutes nos mamans et un peu à moi aussi. Ouais, je voulais effectivement, à travers cette dédicace, j'avais envie qu'on parler rapidement de Eliane Radig, qui est partie il y a quelques mois maintenant, mais qui est partie cette année. Je pense que c'est en fait un peu notre maman à Touxt, au niveau des musiques électroniques et électroacoustiques, elle a quand même accompli beaucoup. Et en fait, ma maman, je lui ai envoyé un son d'Eliane Radig pour s'apaiser il y a très peu de temps, là, et je voulais vous le mettre et puis vous lire un petit texte tout petit d'un des livres d'Eliane Radig qui s'appelle Espace intermédiaire. Il est disponible en anglais et en français dans la librairie toujours de Vincent. Voilà, merci Vincent. Et on passe à Eliane Radig. Passage où il y a simplement le mot déesse mère en fait dans ce passage de texte et ça me parle assez pour vous en parler. Donc l'intervieweur demande à Eliane: pourrais-tu expliquer la symbolique du labyrinthe qui t'a inspiré? Elle répond: l'évocation des éléments primordiaux, terre, eau, feu, air et espace, est une des composantes du labyrinthe sonore, mais son concept initial était essentiellement inspiré des nombreux labyrinthes primitifs que l'on trouve dans différentes sociétés à l'époque où prévalait le culte de la déesse mère, l'un des plus anciens cultes de l'humanité. On en trouve la trace dans différents lieux de notre planète, ce qui est fascinant car à l'époque, il y avait très peu sinon aucune possibilité d'échange. Cette symbolique est beaucoup plus riche et complexe que les seuls éléments que j'ai cru bon d'intégrer dans ma pièce. Antérieur au labyrinthe du Minotaure, il s'agissait d'abord d'un culte dont une pratique était un pèlerinage à circonvolution aux multiples significations et questionnements sur un parcours à une seule voie. Le labyrinthe était un parcours sacré qui a survécu jusqu'à la construction des premières cathédrales, Chartres et Amiens, dont les labyrinthes ont une forme beaucoup plus complexe que les versions primitives qui datent de plus de 3 millénaires avant notre ère. Mais tous respectent l'idée du parcours unique, identique à l'aller jusqu'au centre et au retour dans le sens inverse. En suivant les circonvolutions du labyrinthe, on peut se poser mentalement certaines questions et réfléchir à la réponse le temps du trajet. Ces circonvolutions ont une structure qui mène finalement au cœur du labyrinthe. Voilà, c'était un passage du coup de Espace intermédiaire, Eliane Radig. C'est un livre que vous pourrez retrouver dans la librairie de Vincent. Voilà. Et du coup, c'est une dédicace à toutes nos mamans, à toutes les mamans. Merci beaucoup. Merci.